Le soleil, que c'est bon. Il vient me brûler la peau. Je suis bien étendue sur le sable fin, toute nue. Le soleil, c'est beau quand il joue avec les bateaux sur la mer, dans le vent qui change l'eau claire en diamant. Ils pourront revenir, les blancs nuages, moi, je vais m'endormir sur cette plage. Le soleil, tout là-haut, viendra bien assez tôt, et j'aurai tout le temps d'avoir des regrets. Mais avant, je me laisse emmener dans le sommeil par le chaud de l'été, au grand soleil. Le soleil, que c'est beau.